Après les Amériques, après la région Pacifique occidentale, après l'Europe, après l'Asie du Sud-Est, la polio aurait été éradiquée du continent africain. C'est en tout cas l'annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé le 25 août dernier, aurait, parce que trois jours plus tard, une dépêche tombait pour annoncer de nouveaux cas de polio au Soudan, après 10 ans d'absence de la maladie. Alors que s'est-il passé? La polio a-t-elle vraiment été éradiquée ou non? Et que se passe-t-il dans le reste du monde? Pourra-t-on un jour, comme pour la variole, vivre sur une planète entièrement débarrassée de ce pathogène? Polio à un pas de l'éradication, c'est le programme virologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre les étapes de cette longue marche vers l'éradication totale lancée il y a plus de 30 ans par l'OMS et différentes institutions internationales et pour faire le point sur la situation exacte en Afrique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Francis Delperrou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur invité à l'Institut Pasteur, ancien directeur de recherche INSERM et depuis Bangui en République centrafricaine, Yonela Gwangi-Kavazilake. Bonjour. Bonjour. Vous êtes virologue, chef du laboratoire des virus entériques rougeole à l'Institut Pasteur de Bangui. Mais pour commencer, elle est de retour saine et sauve. Pour faire un tour complet de l'actualité scientifique de ces derniers jours dans un journal des sciences non moins complet, c'est Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon une étude parue dans la revue Science, 15% des formes graves du Covid-19 seraient liées à des anomalies génétiques et immunologiques. Oui, pourquoi voit-on une si grande variabilité entre les patients, de l'absence de symptômes jusqu'au décès? Alors certes, il y a des facteurs de risque, tels que l'âge ou des comorbidités, mais pas seulement. On sait que pour certains cas mortels de la grippe et de tuberculose, une anomalie génétique peut aboutir à une anomalie dans la réponse immunitaire. Une équipe franco-américaine a donc séquencé les gènes de près de 1000 patients atteints gravement de Covid-19, mais aussi de plus de 600 patients avec des formes modérées et 2000 autres en bonne santé. Il en sort que les patients qui ne produisent pas assez d'interférons de type 1 sont les plus à risque. Les interférons de type 1, ce sont des molécules antivirales qui permettent de freiner la propagation du virus. Alors soit c'est à cause d'une altération génétique, soit d'un taux élevé d'auto-anticorps qui neutralisent leur activité. Laurent Abel est directeur de recherche à l'INSERM et l'un des signataires de cette étude. Comme vous savez, il y a quand même beaucoup de gènes dans le génome, de l'ordre de 20 000. Et donc on a commencé par des gènes qui avaient été montrés comme mutés déjà dans d'autres maladies infectieuses, en particulier virales, sur la grippe sévère. Et comme ça, on a pu définir 13 gènes sur lesquels on s'est focalisé en premier, où on a pu effectivement montrer qu'il y avait plus de mutations dans ces gènes que dans les sujets infectés contrôle. De ce fait, les mutations en question, donc, elles sont toutes situées dans le circuit, ce qu'on appelle les interférons de type 1, qui sont des interférons connus pour avoir un rôle antiviral important. Et donc ces mutations aboutissent à un défaut de production de ces interférons, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à produire ces interférons de façon normale. Et donc là, on s'est dit, comme on a des défauts génétiques d'un interféron de type 1, regardons s'il n'y a pas aussi des patients qui auraient des auto-anticorps contre ces interférons de type 1. Et c'est effectivement ce qu'on a trouvé. Donc ça rentre dans le cadre des maladies auto-immunes. Là, il s'avère que le fait d'avoir ces auto-anticorps neutralise en fait les interférons de type 1 et finalement arrive, comme on l'avait observé dans d'autres circonstances, aux mêmes conséquences que ceux qui ont des défauts de production. Donc là, ça montre qu'en tout cas une proportion certaine alors, sont liées à ces fameux défauts de l'interféron de type 1. Les implications notamment pour les gens qui ont des auto-anticorps sont quand même assez importantes. C'est quelque chose qu'on peut tester assez facilement et assez rapidement, ce qui pourrait permettre de mettre en œuvre des traitements peut-être plus adaptés. Il pourrait aussi faire l'objet de traitements plus lourds, du genre plasmaphérèse, parce que ces patients avec auto-anticorps, il se trouve qu'ils ont un pronostic particulièrement mauvais, puisque dans d'autres échantillons, la mortalité était de l'ordre de 40% chez ces patients, donc qui est nettement plus que les autres patients qui n'ont pas d'auto-anticorps. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à connaître et à savoir, oui. Voilà, on continue de suivre l'actualité scientifique liée à l'épidémie de Covid-19 dans le journal des sciences quasiment au quotidien. Et puis n'oubliez pas aussi, tous les vendredis matins, dans la nouvelle radiographie du coronavirus que je vous propose dans la matinale de Guillaume Herner aux alentours de 7h15. Et on passe au bref. Après les tests PCR, après les tests salivaires, la Haute Autorité de Santé va mettre en place les tests antigéniques. Et les tests antigéniques sont réalisés avec des prélèvements nasopharyngés. Ils sont un peu moins fiables que les tests PCR, mais ils sont beaucoup plus rapides. On obtient des résultats sur place en seulement 30 minutes. Alors contrairement aux tests PCR qui recherchent le génome du virus, les tests antigéniques cherchent une protéine présente dans le SARS-CoV-2. Alors ce sera seulement pour les personnes qui présentent des symptômes. Ces tests ne sont pas assez fiables pour les personnes asymptomatiques. Ouais, coronavirus, toujours en ce moment, la Finlande teste une nouvelle méthode de détection du Covid-19, les chiens renifleurs. Oui, on sait que les chiens peuvent renifler les cancers et certaines maladies. L'aéroport d'Helsinki expérimente un programme pilote avec des chiens renifleurs. Pour les passagers qui arrivent de l'étranger, une lingette est passée sur la peau, puis placée dans une tasse. Le chien renifle ensuite les échantillons dans une pièce à l'écart. Alors, plusieurs études et pré-publications ont montré que des chiens entraînés peuvent sentir la différence entre la salive ou la transpiration d'une personne en bonne santé de celle d'une personne atteinte de Covid-19, avec près de 95% d'exactitude. D'autres pays tels que l'Arabie Saoudite, la France, le Chili, l'Australie et le Brésil étudient également les chiens détecteurs d'odeur. Et enfin, dans une étude parue dans Science Advances, on connaît enfin le niveau de radiation à la surface de la Lune. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les futurs astronautes. Le rayonnement spatial peut avoir des effets durables sur la santé et peut provoquer des cancers et des maladies neurodégénératives. En 2019, le rover chinois Chang'e 4 a mesuré le rayonnement sur la surface lunaire à l'aide du sievert unitaire, qui quantifie la quantité absorbée par les tissus humains. L'exposition aux radiations sur la Lune est de 1369 microsieverts par jour. C'est presque 3 fois plus élevé qu'à bord de l'ISS. Notre satellite n'est pas protégé par la magnétosphère, la bulle magnétique protectrice de la Terre. Alors selon les auteurs, avec de tels niveaux de radiation, les astronautes ne pourront passer que 2 mois maximum sur la Lune. Ouais, merci beaucoup Natacha, on retrouve comme d'habitude toutes les études, les liens vers les études sur notre fil Twitter @laméthodefc et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Cri de victoire, le 25 août, l'Organisation mondiale de la santé annonçait que le continent africain avait réussi à éradiquer la poliomyélite de son territoire. Cri d'orfraie, 3 jours plus tard, lorsqu'une dépêche AFP annonce le retour de la polio au Soudan, après avoir disparu plus d'une décennie. Alors que s'est-il passé? L'OMS a-t-elle crié victoire trop vite? Pourquoi est-il si difficile d'éradiquer cette maladie une bonne fois pour toutes, alors qu'elle a déjà disparu de la plupart des continents? L'éradication mondiale de la polio, c'était un objectif posé par l'OMS il y a un peu plus de 30 ans. 30 ans après, où en est-on? Quelles sont les barrières qui restent dressées devant cet objectif? Pour les plus jeunes de nos auditeurs, la polio, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais pour les plus sages d'entre vous, c'est un vieux et terrible souvenir, comme en témoigne notre archive du jour. Suite à l'épidémie de polio dans l'Ouest, après Saint-Brieuc, c'est l'Ille-et-Vilaine qui est touchée. 8 cas signalés, c'est notre correspondant de Rennes, Georges Fabre, qui nous l'a téléphoné. Les autorités ont pris à la veille des vacances une mesure qui s'imposait. Il a été décidé de vacciner tous les enfants des colonies de vacances qui vont se rendre dans l'Ouest. Germaine Bartoli a demandé au professeur Lépine de commenter la mesure qu'on vient de prendre. 2 réflexions. La première, c'est qu'il convient de ne pas s'affoler. Il y a eu un petit nombre de cas en Ille-et-Vilaine, ce qui ne doit pas nous étonner, étant donné que nous sommes à la saison de la poliomyélite et que nous venons de passer par une période de relative chaleur, ce qui favorise l'éclosion de la maladie. Première remarque. Deuxième remarque, c'est qu'à mon avis, la vaccination préventive contre la poliomyélite est une des mesures qui doivent s'imposer pour les enfants qui partent en colonie de vacances. Pourquoi donc ? Eh bien, précisément parce que les enfants en colonie de vacances se trouvent réunir 3 des conditions qui favorisent l'apparition et l'éclosion de la poliomyélite. La première, c'est que ce sont de jeunes enfants qui sont par conséquent à l'âge où la sensibilité est au maximum. La seconde, c'est que les colonies de vacances ont lieu pendant l'été et nous savons que c'est l'été qui est la saison de la poliomyélite. La troisième, enfin, c'est que souvent, qu'on le veuille ou non, les conditions d'hygiène dans les colonies de vacances sont moins strictes à observer que dans un milieu familial, par exemple. Donc, dans ces conditions, les enfants vivant en contact étroit les uns avec les autres ont tout ce qu'il faut pour se repasser un virus. Et c'est pour ça que j'estime que cette mesure devrait être généralisée à l'échelle du pays tout entier. Il faut vacciner les enfants qui partent en colonie de vacances. Voilà, extrait d'Interactualité. Le 15 juin 1963, la poliomyélite en France. Une réaction, Francis Delpérouse, c'est pas un souvenir si vieux que ça. Hein. Non, absolument. Je me rappelle très bien de ma mère discutant avec sa copine Suzanne des épidémies et s'inquiétant du fait que des cas de poliomyélite avaient été rapportés dans l'entourage. Et c'était une inquiétude très grande pour les parents en période d'épidémie. Mais j'ai eu la chance d'être parmi les premiers à recevoir le vaccin, je pense celui fabriqué par le professeur Lépine. Lui-même. Voilà, lui-même. Voilà. Et alors la polio, les premiers vaccins vont conduire à l'arrêt de cas de polio endémique. Peut-être une réaction à cette archive, parce que c'est vrai que pour ce que je disais, pour les plus jeunes de nos auditrices et de nos auditeurs, la polio, bon, c'est un vaccin qu'on fait, mais on se souvient plus très bien à quoi ça sert. Or, il est encore important de continuer à vacciner contre la polio, même s'il n'y a plus de cas endémiques. Yolena Gwangika Vasiliaké. Tout à fait. Elle n'est plus d'actualité pour une bonne partie de monde, 4 continents sur les 5, mais elle reste encore active dans la région est-méditerranéenne de l'OMS, c'est-à-dire en Afghanistan et en Pakistan. Et l'Afrique vient seulement être déclarée libre de polio. Donc je dirais que tout cela est un peu relatif. Mais alors justement, Yonela Gwangika Vasiliaké, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette annonce de l'OMS? Puisque comme je le disais dans l'introduction de cette émission, le 25 août, on annonce que le continent africain a réussi à éradiquer la poliomyélite. Et 3 jours après, on apprend qu'il y a des nouveaux cas au Soudan. Alors est-ce qu'elle est éradiquée ou non cette polio? Je pense qu'il est temps de faire un distinguo très important. Le 25 septembre, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le continent africain libre de poliovirus sauvage. Donc c'est le poliovirus connu depuis la nuit des temps comme étant celui qui est pathogène et qui induit c'est paralysie irréversible. Ce qui s'est passé au Soudan quelques jours après, enfin la déclaration qui a été faite, c'est par rapport à la découverte donc d'un poliovirus dérivé de virus vaccinal. Et ça, c'est une autre problématique à laquelle le programme mondial d'éradication de la poliomyélite, ou plutôt l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, doit faire face actuellement. Alors, c'était le 25 août, hein. Vous avez dit le 25 septembre, c'était le 25 août, mais peu importe. Pardon, 25 août. Il n'y a pas de souci. Francis Delpérou, c'est important, et on reviendra sur le distinguo entre ces deux types de poliovirus, mais néanmoins, aujourd'hui, on peut dire, on peut affirmer que la polio sauvage, endémique, a été éradiqué du continent africain. Oui, absolument. Et c'est une commission de certification constituée de membres indépendants qui a annoncé officiellement ce résultat. Et cela est dû à des contrôles très stricts. D'une part, sur l'absence de cas de poliomyélite dû à ces virus sauvages, à ces virus naturels, et ce qui est ne peut être certifié que dans la mesure où il y a un réseau de surveillance extrêmement efficace qui a pu, d'une part, constater cette absence de cas et d'autre part distinguer les cas de poliomyélite qui sont dus à ces souches dérivées du vaccin dont parlait Yonela à l'instant des autres souches sauvages. Et pour distinguer ces souches, il faut un réseau efficace qui de part est capable de repérer n'importe quel cas au plus profond du Sahara, et d'autre part envoyer les souches de virus correspondant à ce cas dans un laboratoire ou dans plusieurs laboratoires en fait, et ces laboratoires vont pouvoir distinguer la nature de ce poliovirus qui sera déclaré soit comme poliovirus sauvage, soit comme poliovirus dérivé du vaccin. Et on va revenir sur cette différence qui est importante. Néanmoins, on peut donc commencer cette émission en ayant répondu à cette question importante. On peut, en tout cas selon l'OMS et selon ce que vous venez de décrire et de définir, Francis Del Pérou et Yonela Gwangi-Kavazilake, dire que la polio a bien été éradiquée du continent africain et que, je parle sous votre contrôle, Yonela Gwangi-Kavazilake, vous venez de le dire, mais aujourd'hui, il n'existe de souches de polio sauvage plus que dans deux pays, en Afghanistan et au Pakistan. Oui, tout à fait. Et ben voilà, on va essayer de comprendre déjà ce qu'est, on va rappeler ce qu'est la poliomyélite, on va essayer de comprendre s'il est possible d'envisager l'éradication totale de la polio, comme ça a pu être le cas de la variole, ce qui sera donc un grand succès de la médecine vaccinale, le deuxième grand succès à l'échelle planétaire. Mais avant ça, on se repose la question de savoir exactement ce que sont ces poliovirus. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de la possibilité de l'éradication de la poliomyélite en compagnie de Francis Del Pérou et de Yonela Gwangi-Kavazilake. Je vais recommencer par l'origine. Yonela Gwangi-Kavazilake, c'est quoi la polio ? Donc, la poliomyélite est une maladie infectieuse d'origine virale qui est due au poliovirus. Le poliovirus appartient à ce qu'on appelle la famille de Picornaviridae, genre enterovirus. Comme leur nom de la famille l'indique, ce sont des tout petits virus à ARN de polarité, donc de polarité positive. Les enterovirus, les enterovirus, c'est quel type de virus par exemple? Ça donne quel type d'autres maladies? C'est dans quelle famille pour qu'on comprenne bien? Donc la famille, ce sont les Picornaviridae et les enterovirus peuvent donner d'autres pathologies. Il y a d'ailleurs un spectre assez large comme des cardiopathies, comme des paralysies mais réversibles. Par exemple des conjonctivites, des myélites. On pense qu'il y a des enterovirus qui seraient même impliqués dans l'apparition du diabète chez les enfants. Donc, ils ont un spectre très large. Mmh. Francis Del Pérou, il n'y a pas qu'une souche de poliovirus, il y en a trois. On parle là des poliovirus sauvages pour le moment. Oui, absolument. Il y a trois types de poliovirus contre lesquels il faut être vacciné et si on veut être protégé contre la maladie. Et les deux vaccins disponibles, le vaccin inactivé, le vaccin oral, contiennent trois valences correspondantes à ces trois types de virus. On reviendra sur la vaccination tout à l'heure. Comment ça fonctionne les poliovirus? Comment ça infecte? Comment on l'attrape? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la physiopathologie du virus? On connaît beaucoup de choses sur le poliovirus, un petit peu le prototype de ces enterovirus dont parlait Yonela, et il a été le sujet de nombreuses études. On sait qu'il infecte les gens par voie fécal-orale. Il infecte le tractus digestif et on le retrouve en quantité notable dans les selles. C'est un agent de contamination des eaux environnementales, des eaux de baignade aussi, et il sert de marqueur. Mais il a été beaucoup étudié. On connaît sa structure. C'est un petit virus de quelques dizaines de nanomètres. Combien de bases à peu près? Cette capside contient le génome viral, qui est une molécule d'ARN de polarité positive, c'est-à-dire qu'il ressemble un petit peu à un ARN messager cellulaire, et il code pour une très longue protéine qui est clivée par des protéases virales qui vont donner les protéines de la capside qui contiennent le génome viral. Et puis, d'autres enzymes qui sont capables de modifier la cellule que le virus infecte, transformer le milieu cellulaire en une espèce d'usine virale qui va participer à la multiplication du génome viral et à permettre la synthèse de nouvelles particules néoformées en grande quantité, étant donné que dans les cellules infectées, on peut voir des cristaux de virus. Cette synthèse aboutit soit à la lyse cellulaire, soit au transport de ces virus à l'extérieur de la cellule. Et on connaît bien relativement bien la façon dont le virus rentre dans la cellule. On connaît le récepteur qui est une protéine membranaire, CD155, c'est le titre scientifique de cette molécule, qui permet d'absorber le virus et qui va permettre la pénétration et la décapsidation aussi du génome viral qui va être néosynthétisé en de multiples génomes fils qui vont être encapsidés. Mmh. Voilà. Ça, on connaît très bien. Mmh. Oui. La question, alors, qu'est-ce qu'on connaît moins bien, pour continuer? Bon, alors, ce qu'on connaît moins bien, c'est, par exemple, les cellules qui sont à l'origine de cette énorme excrétion du virus dans les selles. On sait qu'on le retrouve au niveau de organites lymphoïdes, des plaques de Peyer, qui sont constituées essentiellement de lymphocytes. Les plaques de Peyer, mais cela explique les plaques pas. De Peyer, c'est quoi exactement? C'est des organites qui sont au niveau de l'intestin et qui permettent la réaction immunitaire à des agents intestinaux. Mm-hmm. Essentiellement dans la nature. Mais organites participent aussi à l'absorption du virus. Mmh. Et là, on est bien obligé de penser qu'il va infecter un milieu cellulaire au niveau de l'intestin pour pouvoir relarguer ces nombreuses particules. Et ça, on connaît moins bien. On connaît moins bien aussi la façon dont le virus va atteindre le système nerveux et surtout infecter spécifiquement des neurones moteurs. Et c'est l'infection de ces neurones et la destruction de ces neurones qui vont provoquer ces paralysies flasques aiguës qui caractérisent la maladie. Mais alors justement, parlons un peu de la physiopathologie de ce virus Yonella Guanji-Kavazilake. Comment est-ce que... Parce qu'on oublie que la polio, c'est effectivement une maladie qui peut être très grave et qui peut conduire à la mort, mais c'est aussi et surtout une maladie qui reste bénigne dans la plupart des cas. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que c'est bénin chez de nombreux enfants, puisque c'est surtout les enfants qui sont infectés? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, cette maladie peut devenir sévère, critique et mortelle? C'est vrai que la paralysie apparaît dans environ 1% des cas. Pour les 99% autres, ils sont soit asymptomatiques, soit ils peuvent faire peuvent avoir un syndrome méningé, par exemple, ou une myélite. Donc, dans très peu de cas. Mais comme Francis l'a dit, on connaît beaucoup de choses et à la fois on ne connaît pas un certain nombre de choses. Ce qu'on sait, c'est que à partir de l'intestin, le virus va dans les ganglions lymphatiques mésentériques, donc au niveau de l'intestin, et que de là, il passe dans le sang pour une phase virémique très courte, et que c'est de là qu'ils vont passer la barrière hémato-encéphalique pour attaquer donc spécifiquement les neurones moteurs dans 1% des cas. Comme Francis l'a dit aussi, la plupart des particules virales vont être éliminées dans les selles, donc elles vont pas passer aucune barrière, donc vont être éliminées. et les enfants resteront asymptomatiques, donc aucun signe clinique. On peut imaginer que pour ces enfants-là, il y a eu une réaction immunitaire locale assez forte pour empêcher donc le passage de virus plus loin dans le corps. Mais une fois dans le sang, on a les anticorps sanguins de type IgG, IgM qui vont se développer et qui peuvent en quelque sorte éliminer le virus de corps de ces enfants-là. Pourquoi 1% de ces enfants vont laisser donc passer le virus jusqu'au niveau du système nerveux central? Je ne pense pas qu'on ait une réponse définitive à ce jour, à moins que Francis peut compléter ce que je viens de dire. Francis Delperroux, des prédispositions génétiques peut-être? Peut-être, des prédispositions génétiques et puis une certaine capacité de certains patients ou de certaines personnes infectées à réagir plus ou moins rapidement au virus et à l'éliminer. Ou du moins, la réaction immunitaire immédiate qui se met en place, cette réaction, je parle pas de la réaction immunitaire innée, mais la réaction adaptative, protéger la personne infectée contre la maladie, c'est-à-dire le passage du virus du tractus digestif vers le système nerveux central. Cependant, on connaît mal quels sont les effecteurs cellulaires qui vont agir pour éliminer le virus au niveau du tractus digestif. Cette réponse-là se met en place au bout de une ou deux semaines supplémentaires et participe à la clairance du virus, c'est-à-dire l'élimination du virus des selles. Alors peut-être qu'on peut dire un mot rapidement aussi maintenant sur le fait que la polio, donc il y a quand la maladie ou quand les symptômes commencent à apparaître, il n'y a pas de traitement, Yonela Gwangi-Kavazilake, mais en revanche, depuis les années 50, on a non pas un, mais deux types de vaccins. Tout à fait. Tout d'abord, je tenais à dire qu'il n'y a pas de traitement, mais il y a des centres de rééducation où les enfants peuvent être, ou pouvaient, mais peuvent être amenés afin de pouvoir retrouver un peu de mobilité motrice. Par contre, effectivement, depuis les années 60, on a deux types de vaccins. On a le vaccin polio oral, donc qui est un vaccin vivant inactivé. Comme son nom l'indique, il est administré par voie orale, deux gouttes en général, en plusieurs doses. Une dose à la naissance, une dose à un mois et demi, deux mois et demi et trois mois et demi. Logiquement, tous les enfants devraient recevoir un minimum de quatre doses de VPO avant leur première année. Et on a le vaccin polio injectable ou inactivé, donc qui est administré par voie sous-cutanée. Alors, en dehors du fait que l'un est inactivé et l'autre est activé, quelle est la différence, ou plutôt, je suppose que vous voulez savoir quels sont les avantages et les désavantages de ces deux types de vaccins. C'est ça, exactement. Mais c'est surtout la question de se dire pourquoi avoir besoin de deux types, puisque le virus inactivé, le vaccin injectable, a été inventé avant le vaccin oral, pardon, pas le virus. Pourquoi avoir besoin de deux vaccins? Pourquoi est-ce que c'est pas simplement, bien comme tous les vaccins, une piqûre quand on est petit et puis pof, ensuite on est débarrassé? Le vaccin inactivé est un très bon vaccin. Il induit une très bonne protection sérique, mais il n'induit pas une très bonne protection locale au niveau de l'intestin. Or, si l'on veut éradiquer le poliovirus sauvage, voire tendre vers l'éradication de l'espèce poliovirus, il faut pouvoir interrompre le cycle de transmission, et il faut pouvoir donc interrompre la circulation de poliovirus. C'est là où le VPO intervient, parce que le vaccin polio oral Il est donc administré par voie orale. Il suit le même cheminement que le poliovirus sauvage et donc par conséquent, il développe une immunité locale au niveau de l'intestin à travers de ce qu'on appelle les IgA. Ce qui sont des immunoglobulines, voilà, qui sont un type d'anticorps. Immunoglobulines, voilà, locales. Mm. Donc, et qui empêche donc qu'un enfant qui a été infecté donc avec de poliovirus, un type de poliovirus, s'il est réinfecté, ben il va plus pouvoir se multiplier dans l'intestin à cause de ces anticorps là. Donc voilà pourquoi le programme, l'initiative mondiale de l'éradication de la poliomyélite a toujours préféré utiliser le vaccin polio oral pour la vaccination de routine, mais aussi pour et surtout pour les campagnes nationales de vaccination. On va rediscuter hein, de cette stratégie, notamment de l'OMS et de plusieurs institutions internationales d'éradication de la poliomyélite. Si je résume, Francis Delperroux, le vaccin inactivé, donc le vaccin injectable, est efficace pour empêcher de développer la maladie, mais n'empêche pas finalement le virus de circuler dans l'organisme et donc va à l'encontre un peu de cet objectif d'éradication totale de la poliomyélite. Oui, absolument. Le vaccin inactivé induit des anticorps très efficaces, des anticorps sériques, donc qui empêchent le passage du virus de l'intestin au système nerveux. Mais par contre, il a une capacité très limitée à induire cette immunité intestinale qui va limiter toute infection subséquente, limiter le réservoir humain et la transmission interhumaine et donc faire disparaître le virus. Et en fait, la disparition du virus sauvage est due à l'emploi exhaustif de ce vaccin oral. Alors, ceci dit, beaucoup de pays utilisent maintenant le vaccin inactivé, des pays, en général, des pays riches qui peuvent avoir un contrôle certain sur l'état sanitaire vaccinal de leur population, et puis aussi des pays où le niveau d'hygiène est largement suffisant pour protéger les personnes. Mais elles ne sont pas à l'abri de la réimportation d'une souche de poliovirus que l'on ne verrait pas dans la mesure où ils sont bien protégés contre la maladie, mais qui pourrait circuler chez des personnes vaccinées avec le vaccin inactivé, c'est ça, bien sûr. Mais alors du coup, ce qu'il faut préciser avant de passer à la deuxième partie de cette émission, c'est que ce vaccin oral, il a néanmoins bien un désavantage certain, c'est que il peut conduire Yonela Gwangika-Vasilake développer une autre forme de poliovirus, celui que nous évoquions au début de cette émission, c'est-à-dire des poliovirus dérivés d'une souche vaccinale. Tout à fait. Donc le poliovirus, c'est un petit virus, environ 7000 paires de bases ARN de polarité positive, et de par sa structure et sa nature, il est très variable génétiquement. Ces poliovirus vaccinaux ont été obtenus grâce à des mutations dans le génome qui les ont rendus non neuropathogènes, mais à force de circuler dans une population mal vaccinée, donc transmission interhumaine intense, ils peuvent reverter, ce qu'on appelle reverter, et devenir à nouveau neurovirulents. Donc, ce n'est pas dans n'importe quelle condition que ce phénomène arrive. Comme je viens de le dire, il faut qu'il y ait un terrain propice, et celui-ci, ça veut dire des enfants non vaccinés ou mal vaccinés. On va reparler hein, de ce DPV et de la façon dont il complique l'éradication complète de la maladie, et puis on parlera également des stratégies à déployer pour en finir ou non, une bonne fois pour toutes, avec la poliomyélite. Going down on my Check the Disease de Dépêche Mode à 16h35 sur France Culture. Nous parlions de poliomyélite et de sa possible éradication à l'échelle du monde. Nous en parlons avec Francis Delperrou, qui est chercheur invité à l'Institut Pasteur, ancien directeur de recherche INSERM, et avec Yonela Gwangika-Vasilake, qui est virologue, chef de laboratoire des virus entériques rougeole à l'Institut Pasteur de Bangui, qui est en ligne avec nous depuis la République centrafricaine. Alors on en parlait tout à l'heure, il faut bien faire le distinguo entre poliovirus sauvage, celui qui vient donc d'être officiellement éradiqué du continent africain, et poliovirus dérivé des souches vaccinales. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu au centre collaborateur pour la poliomyélite et les entérovirus pour comprendre eh bien, comment fonctionnent ces VDPV. Oui, j'ai rencontré Maël Bessot qui est virologue et directeur de ce centre collaborateur de l'OMS pour la poliomyélite et les entérovirus à l'Institut Pasteur. L'idée des recherches qu'il mène là-bas est de déterminer les interactions génétiques entre les autres entérovirus et les poliovirus dérivés de souches vaccinales pour comprendre comment se développent ces VDPV. Mais la recherche sur la poliomyélite est confrontée également à une autre problématique, celle de la sécurité. Avec la disparition des poliovirus sauvages, il faut à tout prix éviter que les souches conservées ne s'échappent accidentellement des laboratoires où ils sont conservés. Maël Bessot nous explique donc pourquoi la plupart des souches conservées en laboratoire vont être détruites après avoir été séquencées pour garder une mémoire du virus. Pour la polio, en fait, il faut expliquer qu'il y a deux vaccins. Le vaccin injectable, qui est celui qui est utilisé en France, qui ne pose aucun problème concernant son innocuité. Et puis, il y a un vaccin oral, qui a été utilisé en France, je crois, jusque dans les années 80. Et ce vaccin oral est toujours utilisé. Lui, il repose sur des souches qui sont vivantes, atténuées. Donc, les personnes qui sont vaccinées par le vaccin oral, elles reçoivent des virus vivants, qui se répliquent chez elles, dans leur intestin. Ces personnes vont excréter ce virus, comme dans le cas d'une infection, mais ces virus sont atténués, donc ne sont pas capables d'induire une maladie. Le problème, c'est que comme les personnes vaccinées excrètent les souches vaccinales, si la couverture vaccinale dans la région est trop faible, on va pouvoir établir des chaînes de transmission entre personnes non vaccinées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et au cours de ces mois et de ces années de circulation, les souches vaccinales atténuées, par des mutations, vont pouvoir redevenir pathogènes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais les VDPV, donc c'est les poliovirus dérivés du vaccin. Et ces VDPV, alors ils n'apparaissent que dans certains contextes, donc quand la couverture vaccinale est trop faible, mais ils sont responsables d'épidémies. Aujourd'hui, le problème du programme polio, c'est qu'il y a plus de cas de polio dus au VDPV que dus aux souches sauvages. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ce que ça veut dire, c'est que si on est dans cette situation-là, c'est précisément parce qu'on a réussi à éteindre tous les cas dus aux souches sauvages. Et donc ce problème des VDPV ne se posait pas au début du programme, parce qu'il y avait énormément de souches sauvages, et maintenant les VDPV, le problème se pose, précisément parce qu'on ne voit plus de souches sauvages et on ne voit que les VDPV. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui permettent à ces souches vaccinales de redevenir pathogènes. Alors je l'ai dit, le premier facteur, c'est la couverture vaccinale insuffisante. Si tout le monde est vacciné avec le vaccin polio oral, il n'y a pas d'émergence de VDPV. Mais en fait, cette émergence, elle se fait aussi par des échanges génétiques qui vont s'opérer chez les personnes qui sont infectées par le poliovirus entre des poliovirus et d'autres entérovirus. Et donc, ce que nous, on essaye de comprendre, c'est quel est le rôle de ces autres entérovirus qui infectent les personnes dans l'émergence des souches pathogènes. Et donc, nous, on travaille beaucoup avec nos collègues des instituts Pasteur du réseau, notamment en Afrique subsaharienne. Donc, on travaille beaucoup avec Madagascar, on travaille beaucoup avec l'Institut Pasteur de Bangui, avec le Centre Pasteur du Cameroun, pour comprendre comment les entérovirus qui circulent dans ces régions-là permettent l'émergence de souches de polio dérivées du vaccin pathogène. Donc là, on a un labo de biologie moléculaire, donc on a beaucoup d'espace parce qu'avant, le poliovirus, c'était un virus qui était très utilisé comme modèle en virologie, parce que c'est un virus qui est facile à cultiver, c'est un virus contre lequel on peut se vacciner, donc qui ne présentait pas de risque pour les opérateurs. Et en fait, ici, il y avait trois groupes différents qui utilisaient le poliovirus comme modèle pour comprendre la physiopathologie, pour comprendre les mécanismes de l'infection. Et donc, il se trouve qu'on a un grand labo, il y avait trois groupes, et maintenant, on est le dernier groupe à travailler sur le polio aujourd'hui. Il y a un champ de recherche qui va peut-être disparaître. Absolument. Avec le virus. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en utilisant polio pour la première fois, et il y a des gens qui vont avoir du mal à renoncer à ça, parce que c'est leur modèle d'étude depuis vraiment des dizaines d'années. Donc on a des outils, on a des lignées cellulaires qui permettent de l'amplifier. C'est un virus qui est très très connu, et il va falloir l'abandonner. Et je crois qu'il y a des endroits où on n'a pas encore compris. J'ai des collègues qui n'ont pas encore compris qu'ils allaient devoir l'abandonner. Là, on a encore une pièce de biologie moléculaire. Ce qui est intéressant, c'est en fait ça, c'est la pièce dans laquelle on a nos congélateurs, puisque les virus, on les garde à moins 80. Et donc justement, du fait de la réglementation qui touche les poliovirus, on a, vous voyez, une porte avec un accès badgé. Et derrière, on a des congélateurs à moins 80 qui sont aussi à accès badgé. Donc l'idée, ce qu'on nous demande, c'est de s'assurer que personne n'a accès aux collections de poliovirus. Et ça aussi, c'est nouveau, parce que poliovirus, comme je vous l'ai dit, il y a un vaccin. Donc c'est un virus qui faisait peur à personne il y a encore 15 ans. Et maintenant, du fait de l'éradication, la grosse crainte, c'est qu'il y ait une fuite d'un poliovirus depuis un laboratoire, donc une fuite accidentaire. Et c'est pour ça que vraiment l'OMS met des conditions drastiques de manipulation et de conservation. Quand on parle du poliovirus qui est conservé ici dans ces congélateurs, est-ce que, comme pour d'autres virus, le virus est inactivé avant d'être étudié ou pas du tout? Alors on a les deux, on peut travailler sur du virus inactivé ou sur son matériel génétique, mais nous on a des souches de poliovirus actives, on a des souches historiques qui ont été isolées par le laboratoire ou par nos collègues des instituts Pasteur à l'étranger. Dans les années, je crois que les plus anciennes souches qu'on a doivent dater des années 70 ou 80. Et nous, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est justement à détruire ces souches. Mais avant de les détruire, on veut les séquencer, c'est-à-dire obtenir la séquence génétique de leur génome, tout simplement parce que les techniques de séquençage n'existaient pas à l'époque où ces virus ont été isolés. Et avant de les détruire, on veut les séquencer pour au moins avoir une trace de ce qui a circulé, parce que ça, scientifiquement, c'est important. Le séquençage, ça nous permet d'avoir un peu la carte d'identité du virus, de savoir est-ce que le virus qui circule dans tel pays, c'est le même que celui qui circule dans un autre pays, et de comprendre un peu comment se faisait la circulation géographique du virus. Tous ces outils-là de séquençage, ils ont été développés et se sont généralisés vraiment à la fin des années 90, c'est début des années 2000. Donc tout ce qui a été isolé avant n'a pas été caractérisé génétiquement. Et donc on a des pans entiers de l'histoire qui nous manquent en fait. Voilà, à propos de ces VDPV plus généralement, du poliovirus et de ce programme d'éradication, une réaction peut-être simplement à ce que vous venez d'entendre, Francis Del Pérou. Oui, absolument. Maël a été très précis dans sa description des travaux qu'il mène et qu'il a le courage de mener sur ce virus en voie de disparition. Mais il faut, je pense, être conscient que le programme d'éradication mené depuis 30 ans a été en parallèle l'objet aussi de recherches qui ont été extrêmement importantes. Et les recherches qui visent à étudier la microévolution, c'est-à-dire l'apparition des mutations dans les génomes viraux, ces mutations, à étudier les mécanismes de macroévolution qui permettent des échanges génétiques entre des entérovirus non polio et ces poliovirus sont extrêmement importants. D'une part, pour améliorer la surveillance, ce sont ces études fondamentales qui ont permis de différencier les VDPV de souches sauvages, et ce sont peut-être aussi ces recherches fondamentales qui restent nécessaires et qui permettront le développement peut-être de souches vaccinales améliorées, génétiquement stabilisées, et qui permettront peut-être d'arriver au bout du programme. Peut-être un mot à ce propos, Yonela Gwangika-Vasilake. Aujourd'hui, on disait, c'est le virus activé, le vaccin activé, le vaccin oral, qui peut donner lieu in fine à ces VDPV, c'est-à-dire à ces nouvelles souches issues du vaccin. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux vaccins qui permettent d'éviter un peu plus ce type d'effet secondaire pour le moins malencontreux. Tout à fait. Sous l'impulsion donc de l'OMS, depuis 2011, des chercheurs se sont attachés à développer un nouveau vaccin polio oral qui sera beaucoup plus stable génétiquement. Il n'est pas encore mis sur le marché. On parle surtout de NVPO2. Une étude a été publiée dans Lancet il n'y a pas très longtemps, présentant donc les résultats des premiers essais cliniques chez des humains et qui sont très prometteurs. Il n'a pas encore été licencié, enfin il n'a pas reçu la licence de l'OMS pour être utilisé, mais déjà un cadre d'utilisation très strict existe et en fonction donc d'un certain nombre de critères, il pourra peut-être être utilisé vers la fin de l'année 2020 ou début 2021. Mais bien sûr, pour les types 1 et type 3, les recherches sont encore en cours, puisque ce phénomène de VDPV touche particulièrement la souche de type 2, vaccinale de type 2, mais on a connu des petites épidémies dues au VDPV de type 1 et de type 3 également. J'aimerais qu'on parle dans les 10 minutes qu'il nous reste de la stratégie justement, hein, de cette stratégie de l'OMS décidée à la fin des années 80 d'éradication de la poliomyélite, de la polio sauvage. Donc aujourd'hui, quels sont les obstacles qui restent, Yonela Gwangika Vasilake? On l'a dit, deux pays où la polio sauvage est encore en circulation, l'Afghanistan et le Pakistan. Est-ce qu'il vous semble vraisemblable que la polio soit éradiquée, la polio sauvage soit éradiquée dans les années qui viennent? Et question subsidiaire, qu'on en finisse également par la suite avec la polio issue dérivée du vaccin, la VDPV, c'est-à-dire qu'on finisse pour une bonne fois pour toutes par se débarrasser complètement du virus de la polio sur Terre. C'est l'objectif final donc de l'initiative mondiale de l'éducation de la poliomyélite, donc l'éradication de l'espèce poliovirus. Comme vous pouvez le constater, depuis 1988, quand cette initiative a été lancée, des progrès énormes ont été réalisés et donc au 16 septembre, on n'avait que 4 cas de poliovirus sauvage de type 1 dans le monde, 2 en Afghanistan et 2 en Pakistan. Vous remarquerez aussi que les deux derniers pays qui restent, ce sont des pays en conflit. Et de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, Francis et moi, je pense qu'il est très clair que pour éradiquer déjà le poliovirus sauvage de la surface de toute la Terre et donc implicitement de ces deux derniers foyers qui restent, il faut vacciner. Vacciner de manière intense, respecter le calendrier vaccinal de routine et avoir des actions supplémentaires de vaccination. Mais comme ça a été le cas dans beaucoup de pays d'Afrique en conflit, pouvoir obtenir une couverture vaccinale de routine supérieure à 95%, et puis des journées de vaccination nationale ou locale selon le cas de haute qualité, c'est-à-dire être sûr que chaque enfant en âge d'être vacciné contre la polio reçoit toutes les doses requises en routine et donc lors des AVS. Excusez-moi de me répéter, mais je pense que c'est très très important que les auditeurs le comprennent. Donc, dans des pays qui sont en conflit, bien sûr, il y a des obstacles. Ce sont des pays qui ont des conflits armés, des groupes armés. On a connu ça en RCA. Donc, c'est beaucoup plus difficile à atteindre, être sûr qu'on atteint chaque enfant. Ceci dit, l'Organisation mondiale de la santé et les gouvernements sont hautement sensibilisés. Ils sont impliqués, ils sont innovants dans la manière de mettre en œuvre toutes ces actions de vaccination de manière à atteindre cet objectif. Dans un premier temps, éradiquer tous les sérotypes de poliovirus sauvage sur toute la surface de la Terre. Car tant qu'il y a un seul pays où le poliovirus sauvage continue à circuler, nous sommes tous en danger. Francis Del Pérou, pour compléter les propos de Yonela Gwangika-Vasilake, par exemple, il n'y a pas de réservoir animal du poliovirus ? Non, absolument. Seuls les humains représentent le réservoir essentiel. Les grands singes sont sensibles au poliovirus par voie orale, comme l'homme, mais sont moins sensibles. Et comme vous le savez, les grands singes, il n'en reste plus beaucoup sur Terre. Mais je pense que les deux vieux outils, qui sont les deux vieux vaccins développés dans les années 50 et 60, ont permis de faire un travail quand même assez extraordinaire, et que le vaccin oral aura permis d'éliminer des souches sauvages de type 2, de type 3 de la planète. Il ne reste plus que les souches de type 1. Et si on regarde par exemple le continent américain, on se rend compte que en maintenant une couverture vaccinale suffisante, on a pu, d'une part, éliminer les souches sauvages de type 2, et d'autre part, en arrêtant la vaccination avec le vaccin oral de type 2, il n'y a pas de cas de VDPV de type 2 sur ce continent, parce que le contrôle est suffisant, parce que les instances locales, les instances nationales, la PAO, qui est la Pan American Health Organization, aussi stimule tous les intervenants, alors que le pays est pas si stable politiquement que ça dans beaucoup de pays, Venezuela, etc. Vous êtes au courant. Donc quelque part, cela est possible de éliminer complètement et les souches sauvages et les souches vaccinales. Il se trouve que dans les pays de la ceinture subsaharienne ou des pays équatoriaux où travaille Yonela, la situation est beaucoup plus difficile pour maintenir. C'est ce qui s'est passé au Soudan et qui fait que des cas de VDPV peuvent émerger. Mais alors comment faire, Francis Del Pérou, justement pour que les VDPV ne prennent pas le relais et qu'on se retrouve pas finalement comme au Soudan avec des réémergences dans des zones où la couverture vaccinale est plus lâche, plus compliqué, plus complexe à mettre en œuvre, de VDPV, donc rester pendant encore quelques années, quelques dizaines d'années, avec une polio issue de VDPV qui continuera à faire des ravages. Oui, bon, ce OPV a fait un travail remarquable dans la mesure où c'est lui qui a permis de passer de quelques 300 000 cas de poliomyélite dans les années 80, 88, au début du programme, jusqu'à maintenant à quelques centaines de cas. Mais je pense que il y a deux possibilités. C'est soit arriver à établir une couverture vaccinale très forte avant et uniforme sur tout le continent, avant d'arrêter l'utilisation des souches vaccinales vivantes. Soit des vaccins oraux. Soit la perspective est, peut-être ça sera utile, c'est d'utiliser ces souches atténuées qui sont modifiées au niveau de la polymérase virale, c'est-à-dire dans leur façon de répliquer le génome viral, qui fait qu'elles sont beaucoup plus stables, mais aussi en stabilisant les mutations qui sont impliquées dans l'atténuation. Et ces nouvelles souches, si elles peuvent être utilisées, pourront alors permettre d'éviter l'apparition de ces souches pathogènes dérivées du vaccin. Yonela Gwangika-Vasilake, votre sentiment à ce propos, en finir complètement avec la polio sauvage, et à terme, dans combien de temps imaginez qu'on puisse en finir définitivement une bonne fois pour toutes avec la polio, et que comme pour la variole, eh bien, les seuls souvenirs qu'il en reste, ce soit dans les laboratoires de haute sécurité? Écoutez, je m'avancerai pas pour donner une date en ce qui concerne donc l'éradication de l'espèce virale poliovirus, mais j'espère dans les quelques, je ne sais pas moi, quelques prochaines années, pas trop loin, peut-être 3, 4, 5, tout dépendra de l'atteinte de l'objectif premier, qui est l'éradication de poliovirus sauvage. Et puis donc l'existence de ces nouveaux vaccins polio orale améliorée, donc beaucoup plus stable génétiquement, nous donne beaucoup d'espoir, donc en ce sens. Mais par exemple, qu'est-ce qui va excusez-moi de vous interrompre, mais par exemple, qu'est-ce qui va se passer au Soudan là, avec qui vient de déclarer une dizaine de cas? On sait que les foyers infectieux, ça peut prendre très vite et ça peut vite passer le seuil épidémique, la polio. Un cas pour la poliomyélite, un cas est égal à l'épidémie déjà. Oui. Donc voilà, 10 cas, il faut imaginer que 10 cas, ça veut dire multiplié par 100 le nombre d'enfants asymptomatiques qui continuent à excréter. Et donc la chaîne, vous imaginez un peu la chaîne humaine de transmission. Mmh. Mais, jusqu'à ce jour, je répéterai ce que Francis a dit. On a un outil qui est merveilleux, qui nous a aidé à faire des progrès énormes, donc, qui est le vaccin polio-oral, donc monovalent de type 2, qui va sans doute être utilisé. Simplement, il faut faire en sorte que ça soit ce qu'on appelle des activités de vaccination de qualité, c'est-à-dire qu'on vaccine tous les enfants dans la tranche d'âge qui sera décidée, donc la tranche d'âge cible. Je vous ai dit que le NOPV2 pourra être utilisé dans certaines conditions et cela va être décidé par l'OMS, donc les conditions qui feront que on pourra déjà utiliser ce vaccin sur le terrain. Allez-y, oui. Je n'ai pas entre les mains les éléments pour vous dire, mais il y a le fait que la poliomyélite demeure une urgence de santé publique et que dans des populations vraiment très mal vacciné, l'OMS, le groupe de travail spécial dont Francis fait partie, a élaboré des conditions qui doivent être remplies. Je suis désolé. Ce vaccin puisse être utilisé. Voilà, je suis désolé, il faut que je vous interrompe parce qu'on arrive vraiment au terme de cette émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Yonela Gwangi-Kavazilake, merci Francis Delperou, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Théo Gomard aujourd'hui à la technique. Demain, nous reviendrons sur la grande découverte en astrophysique de cette rentrée 2020. Les trous noirs intermédiaires, la théorie supposait leur existence, les ondes gravitationnelles l'ont confirmé. Que sont-ils, d'où viennent-ils et que deviennent-ils? C'est ce qu'on vous dira demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.